Chapitre 75e, les herboriseurs. Les événements que nous venons de raconter s'étaient passés le vendredi soir. C'était donc le surlendemain que devait avoir lieu dans le bois de Lucienne cette promenade dont Rousseau se faisait une si grande fête. Gilbert, indifférent à tout depuis qu'il avait appris le prochain départ d'André pour Trianon, Gilbert avait passé la journée tout entière appuyé au rebord de sa lucarne. Pendant cette journée, la fenêtre d'André était restée ouverte, et une fois ou deux, la jeune fille s'en était approchée, faible et pâlie, pour prendre l'air, et il avait semblé à Gilbert, en la voyant, qu'il n'eût pas demandé au ciel autre chose que de savoir André, destiné à habiter éternellement ce pavillon, d'avoir pour toute sa vie une place à cette mansarde, et deux fois par jour d'entrevoir la jeune fille comme il l'avait entrevue. Ce dimanche tant appelé arriva enfin. Dès la veille, Rousseau avait fait ses préparatifs. Ses souliers soigneusement cirés, l'habit richaud et léger tout ensemble, avaient été tirés de l'armoire au grand désespoir de Thérèse, qui prétendait qu'une blouse ou un sarrau de toile était bien suffisant pour un pareil métier. Mais Rousseau, sans rien répondre, avait fait à sa guise. Non seulement son costume, mais encore celui de Gilbert avait été revu avec le plus grand soin, et il s'était même augmenté de bas irréprochables et de souliers neufs, dont Rousseau lui avait fait une surprise. La toilette de l'herbier aussi était fraîche. Rousseau n'avait pas oublié sa collection de mousses destinée à jouer un rôle. Rousseau, impatient comme un enfant, se mit plus de 20 fois à la fenêtre pour savoir si telle ou telle voiture qui roulait n'était pas le carrosse de M. de Jussieu. Enfin, il aperçut une caisse bien vernie, des chevaux richement harnachés, un vaste cocher poudré stationnant devant sa porte. Il courut aussitôt dire à Thérèse « Le voici, le voici !» et à Gilbert « Vite, Gilbert, vite, le carrosse nous attend !»« Eh bien, » dit aigrement Thérèse, « puisque vous aimez tant à rouler en voiture, pourquoi n'avez-vous pas travaillé pour en avoir une, comme M. de Voltaire ?»« Allons donc, » grommela Rousseau. « Dame, vous dites toujours que vous avez autant de talent que lui !»« Je ne dis pas cela, entendez-vous ?» cria Rousseau, fâché à la ménagère. « Je dis, je ne dis rien !» Et toute sa joie s'envola comme cela arrivait chaque fois que ce nom ennemi retentissait à son oreille. Heureusement, M. de Jussieu entra. Il était pommadé, poudré, frais comme le printemps, un admirable habit de gros satin des Indes à côtes, couleur gris de lin, une veste de taffetas à clair, des bas de soie blanc d'une finesse extrême, et des boucles d'or poli composaient son accoutrement. En entrant chez Rousseau, il emplit la chambre d'un parfum varié que Thérèse respira sans dissimuler son admiration. « Que vous voilà beau !» dit Rousseau, en regardant obligeamment Thérèse, et en comparant des yeux sa modeste toilette et son équipage volumineux de botaniste avec la toilette si élégante de M. de Jussieu. « Mais non, j'ai peur de la chaleur, » dit l'élégant botaniste. « Et l'humidité des bois, vos bas de soie, si nous herborisons dans les marais. Oh que non, nous choisirons nos endroits. Et les mousses aquatiques, nous les abandonnerons donc pour aujourd'hui. Ne nous inquiétons pas de cela, cher confrère. On dirait que vous allez au bal et chez des dames. » Pourquoi ne pas faire honneur d'un pas de soie à Dame Nature ? Répliqua M. de Jussieu un peu embarrassé. N'est-ce pas une maîtresse qui vaut la peine qu'on se mette en frais pour elle ? Rousseau n'insista pas. Du moment où M. de Jussieu invoquait la nature, il était d'avis lui-même qu'on ne pouvait jamais lui faire trop d'honneur. Quant à Gilbert, malgré son stoïcisme, il regardait M. de Jussieu avec un œil d'envie. Depuis qu'il avait vu tant de jeunes élégants rehausser encore avec la toilette les avantages naturels dont ils étaient doués, il avait compris la frivole utilité de l'élégance. Il se disait tout bas que ce satin, cette batiste, ces dentelles, donneraient bien du charme à sa jeunesse, et que, sans aucun doute, au lieu d'être vêtu comme il était, s'il était vêtu comme M. de Jussieu, et qu'il rencontra André, André le regarderait. On partit au grand trot de 2 bons chevaux danois. Une heure après le départ, les botanistes descendaient à Bougival et coupaient vers la gauche par le chemin des châtaigniers. Cette promenade, merveilleusement belle aujourd'hui, était à cette époque d'une beauté au moins égale, car la partie du coteau que s'apprêtaient à parcourir nos explorateurs, boisée déjà sous Louis XIV, avait été l'objet de soins constants depuis le goût du souverain pour Marly. Les châtaigniers aux rugueuses écorces, aux branches gigantesques, aux formes fantastiques, qui tantôt imitent dans leur noueuse circonvolution le serpent s'enroulant autour du tronc, tantôt le taureau renversé sur l'étal du boucher et vomissant un sang noir, le pommier chargé de mousse et les noyers, colosses dont le feuillage passe, en juin, du vert jaune au vert bleu, cette solitude, cette aspérité pittoresque du terrain qui monte sous l'ombre des vieux arbres, jusqu'à dessiner une vive arête sur le bleu mat du ciel, toute cette nature puissante, gracieuse et mélancolique plongeait Rousseau dans un ravissement inexprimable. Quant à Gilbert, calme mais sombre, toute sa vie était dans cette seule pensée. André quitte le pavillon du jardin et bat à Trianon. Sur le point culminant de ce coteau que gravissaient à pied les trois botanistes, on voyait s'élever le pavillon carré de Lucienne. La vue de ce pavillon, d'où il avait fui, changea le cours des idées de Gilbert pour le ramener à des souvenirs peu agréables, mais dans lesquels n'entrait aucune crainte. En effet, il marchait le dernier, voyait devant lui le protecteur et se sentait bien appuyé. Il regarda donc Lucienne comme un naufragé voit du port le banc de sable sur lequel se brisa son navire. Rousseau, sa petite bêche à la main, commençait à regarder sur le sol. Monsieur de Jussieu aussi. Seulement le premier cherchait les plantes, le second tâchait de garantir ses bas de l'humidité. « L'admirable Lépopodium !» dit Rousseau. « Charmant !» répliqua Monsieur de Jussieu. « Mais passons, voulez-vous ?»« Ah, la Larimachia Fenella. Elle est bonne à prendre, voyez. Prenez-la, si cela vous fait plaisir. »« Ah, ça mais, nous n'herborisons donc pas. » « Si fait, si fait. Mais je crois que sur le plateau là-bas, nous trouvons mieux. »« Comme il vous plaira. Allons donc. »« Quelle heure est-il ?» demanda M. de Jussieu. « Dans ma précipitation à m'habiller, j'ai oublié ma montre. » Rousseau tira de son gousset une grosse montre d'argent. « 9 heures. »« Si nous nous reposions un peu, voulez-vous ?» demanda M. de Jussieu. « Oh, que vous marchez mal, » dit Rousseau. « Voilà ce que c'est que d'herboriser en souliers fins et en bas de soie. J'ai peut-être faim, voyez-vous. » « Eh bien alors, déjeunons. Le village est à un quart de lieue. Non pas, s'il vous plaît. »« Comment non pas ? Avez-vous donc à déjeuner dans votre voiture ? Voyez-vous là-bas dans ce bouquet de bois ?» fit Monsieur de Jussieu en étendant la main vers le point de l'horizon qu'il voulait désigner. Rousseau se hissa sur la pointe du pied et mit sa main sur ses yeux en guise de visière. « Je ne vois rien, » dit-il. « Comment, vous n'apercevez pas ce petit toit rustique ? Non. Avec une girouette et des murs de paille blanche et rouge, une sorte de chalet ?» « Oui, je crois, oui, une petite maisonnette neuve, un kiosque, c'est cela. Eh bien, nous trouverons là le modeste déjeuner que je vous ai promis. »« Soit, » dit Rousseau. « Avez-vous faim, Gilbert ?» Gilbert, qui était resté indifférent à ce débat et coupé machinalement des fleurs de bruyère, répondit « Comme il vous sera agréable, monsieur. »« Allons-y donc, s'il vous plaît, » fit Monsieur de Jussieu. « D'ailleurs, rien ne nous empêche d'herboriser en route. »« Oh, votre neveu, » dit Rousseau. Et plus ardent naturaliste que vous. J'ai herborisé avec lui dans le bois de Montmorency. Nous étions peu de monde. Il trouve bien, il cueille bien, il explique bien. Écoutez donc, il est jeune, lui. Il a son nom à faire. N'est-il pas le vôtre qui étouffait ? Ah, confrère, confrère, vous herborisez en amateur. Allons, ne nous fâchons pas, mon philosophe. Tenez, voyez le beau Platango Nomentos. En avez-vous comme cela dans votre Montmorency ? Ma foi, non. Dit Rousseau charmé. Je l'ai cherché en vain sur la foi de Tournefort, magnifique en vérité. Ah, le charmant pavillon, dit Gilbert, qui était passé de l'arrière-garde à l'avant-garde. Gilbert a faim, répondit Monsieur de Jussieu. Oh, monsieur, je vous demande pardon. J'attendrai sans impatience que vous soyez prêt. D'autant plus qu'herboriser après manger ne vaut rien pour la digestion, et puis l'œil est lourd, le dos paresseux. Herborisons donc encore quelques instants, dit Rousseau. Mais comment nommez-vous ce pavillon ? « La souricière, » dit M. de Jussieu, se souvenant du nom inventé par M. de Sartine. « Quel singulier nom ! Oh, vous savez, à la campagne, il n'y a que fantaisie. À qui sont ces terres, ce bois, ces beaux ombrages ? Je ne sais trop. Vous connaissez le propriétaire, cependant, puisque vous y allez y manger ?» dit Rousseau, en dressant l'oreille avec un commencement de soupçon. « Pas du tout. Ou plutôt, je connais ici tout le monde. Les garchas qui m'ont bu 100 fois dans leur taillis. » Et qui savent que me saluer, m'offrir un civet de lièvre ou un salmi de bécasse, c'est plaire à leur maître. Les gens de toutes les seigneuries voisines me laissent faire ici comme chez moi. Je ne sais trop si ce pavillon est à Madame de Mirepoix ou à Madame d'Egmont ou, ma foi, je ne sais plus. Mais le principal, mon cher philosophe, et votre avis sera le mien, je le présume, c'est que nous y trouverons du pain, des fruits et du pâté. Le ton de bonhomme avec lequel M. de Jussieu prononça ces paroles dissipa les nuages qui déjà s'entassaient sur le front de Rousseau. Le philosophe secoua ses pieds, se frotta les mains, et M. de Jussieu entra le premier dans le sentier moussu qui serpentait sous les châtaigniers conduisant au petit ermitage. Derrière lui vint Rousseau, toujours glanant dans l'herbe. Gilbert, qui avait repris son poste, fermait la marche, rêvant à André au moyen de la voir quand elle serait à Trianon.